Complète le dialogue à l'aide du dessin. Ensuite, écoute et vérifie. Salut. Salut Laura, entre. Ça va? Qu'est-ce que c'est? C'est un bracelet brésilien pour l'anniversaire d'un copain. Un copain? Et comment il s'appelle? Hugo. Quel âge il a? 15 ans. Et c'est quand son anniversaire? Le 10 octobre. Et il a... Tu me passes les ciseaux s'il te plaît? Ouais, une maquette de bateau? Elle est super. Oui, j'adore les maquettes. Et moi, les bracelets brésiliens. Et mon anniversaire, c'est le... Oui, le 6 novembre, je sais.